le faucon et le bonhomme de neige. Ainsi ont-ils été appelés par la presse populaire et même par Hollywood, qui a tiré un film de leur curieuse et sulfureuse histoire. Le faucon, tout simplement parce que Christopher Boyce pratiquait la chasse au faucon, et le bonhomme de neige car Andrew Dalton Lee, pour son malheur et celui de son ami, faisait une grande consommation de cocaïne, c'est-à-dire de neige. Deux jeunes Américains compromis dans une affaire d'espionnage qui les dépassait et qui a permis plus tard de jeter une lumière crue sur les pratiques des services secrets états-uniens, à commencer par la puissante NSA, la plus importante agence de renseignement aux États-Unis qui regrouperait, même si le chiffre est tenu secret, des dizaines de milliers d'employés. C'est en particulier la NSA qui a mis en place le fameux réseau Échelon, une gigantesque toile d'araignée électronique qui permet en principe d'intercepter les communications dans le monde entier, fax, internet, téléphone. Même les échanges cryptés n'échappent pas à la curiosité de la NSA et de ses ordinateurs superpuissants. Toutefois, dans les années 70, lorsque le faucon et le bonhomme de neige vont, bien malgré eux, faire la une de l'actualité, on ignore encore tout de ce réseau qui se met peu à peu en place dans le plus grand secret. Monsieur X raconte. Au départ de cette affaire, il y a deux jeunes gens tout à fait ordinaires. Deux amis d'enfance. Hein. Oui, ils se sont connus à l'école et vivent dans une banlieue chic de Los Angeles. Deux types très dissemblables. L'un, Christopher Boyce, est un beau gars, sportif, taillé en athlète et passionné par la nature. Ah, et c'est donc lui le faucon. Hein, oui, oui, l'élève des oiseaux de proie pour la chasse. Et c'est aussi un casse-cou qui adore grimper dans les arbres et qui a risqué sa vie à plusieurs reprises. Ouais. Et l'autre alors? Dalton Lee est plutôt chétif. Et surtout, il souffre d'une acné envahissante qui l'accable. Il complexe. Bien entendu. Autre différence entre les deux amis. L'un, Christopher, est un excellent élève, tandis que l'autre, Dalton, est un sujet médiocre qui déteste les études et préfère les occupations manuelles. Mais ses parents ne sont pas d'accord et veulent absolument qu'il aille au bout de son parcours scolaire. Et qu'est-ce qui réunit ces deux garçons, alors? D'abord, la religion. Tous deux sont élevés dans la religion catholique et ont même été enfants de cœur, ce qui ne les empêche pas d'être par la suite des adolescents assez turbulents. D'ailleurs, le premier, Christopher, perd rapidement la foi. Quant à Dalton, il pallie son aspect physique peu engageant en se lançant dans une activité commerciale qui le rend très populaire dans son école. Quoi, c'est la drogue, là, c'est ça? Marijuana et cocaïne, oui. C'est le dealer de son établissement. Ah, ouais, ouais. Et leur famille, alors? Vivant dans ce quartier huppé, elles sont forcément aisées. Dalton, d'abord. Son père est physicien. Le père de Christopher, lui, est un ancien agent du FBI qui a démissionné pour s'occuper du service de sécurité d'une entreprise aéronautique. Il est patriote, très conservateur, et c'est un fervent catholique, comme son épouse d'ailleurs, qui a même passé un an dans un couvent. Mmh. Et les parents de Dalton Lee là, sont aussi des croyants? En effet. En tout cas, cet environnement familial provoque une crise d'adolescence classique chez Christopher Boyce. En même temps qu'il rejette la religion, le jeune homme devient aussi un rebelle politique. Ah oui, c'est peut-être à cause de la guerre du Vietnam. Bien évidemment. Mmh. N'oubliez pas que la contestation de la politique américaine et de la guerre est née justement en Californie. Mmh. Christopher est donc aux premières loges. Et en même temps, après ses études secondaires, il tourne en rond. Il ne sait pas ce qu'il veut faire, quoi. C'est ça. Et cela préoccupe naturellement ses parents. Mmh. Et l'autre, Dalton, hein? Lui, il est devenu, si j'ose dire, un dealer professionnel. Un dealer, mais aussi un consommateur assidu qui a maintenant complètement renoncé aux études. Il vide son trafic. Oui. Tandis que son copain Christopher, de guerre lasse, a fini par accepter un travail que lui a trouvé son père dans l'entreprise où est employé un de ses anciens collègues du FBI, TRW, une firme spécialisée dans les systèmes aérospatiaux de défense. Mais sans formation technique, que peut-il faire dans cette entreprise-là? Il est affecté à des tâches modestes. Il s'occupe par exemple des communications par Telex. Rien de bien gratifiant. Hein. Non, mais ça a assez rapidement évolué. Quelques mois après son engagement, ce jeune homme sans expérience est pourtant employé au service de contrôle du matériel classifié. Ce qui veut dire? Il est chargé de distribuer les documents classifiés dans les différents bureaux de la firme. Et classifié signifie qu'il y a du matériel sensible. Et très confidentiel. Au-dessus, il y a, selon la terminologie états-unienne, que deux mentions. secret et ultra-secret. Ouais. Boyce est donc habilité à avoir accès à des documents de la plus haute importance. Et qui entraient directement à la défense des États-Unis. Ouais. C'est un peu imprudent, non ? Enfin, Christopher est alors très jeune. Tout juste 21 ans. Ouais. Et m'avez-vous dit, il a manifesté très tôt des convictions politiques hostiles au gouvernement de son pays. Oui, oui, c'est vrai que tout cela est assez étonnant, mais il y a son père. Ouais, qui l'a pistonné. C'est certain. Son père, conservateur, bon teint, et qui travaille aussi dans le secteur sensible de la sécurité, rappelons-le. Et de fil en aiguille, le jeune homme va bénéficier d'une confiance encore plus grande de la part de ses employeurs. Il est autorisé à pénétrer dans la cellule la plus secrète de TRW, une pièce qu'on appelle la cave noire, et qui est naturellement protégée par des systèmes électroniques et des blindages sophistiqués. Ouais, cave noire, ça fait un peu gothique, non ? Et que fait-on dans cette mystérieuse cave noire ? C'est là qu'arrivent les messages les plus secrets. On y trouve aussi les codes qui permettent d'avoir accès aux satellites espions et satellites de renseignement ou de localisation. Argos, par exemple. C'est aussi dans la cave noire qu'on réceptionne photos et films transmis par ces satellites qui permettent en particulier de détecter les tirs de missiles soviétiques ou chinois. Ouais. Et c'est des satellites conçus par TRW. En général pour l'armée, son principal client. C'est TRW qui a fabriqué toute ou partie des engins de la série K-Hall, c'est-à-dire trou de serrure. Mais arrivent également dans la cave noire d'autres informations très curieuses. Et c'est la découverte de la nature de ces informations qui est à l'origine de toute cette affaire. J'y reviendrai, mais... Mais non, pas trop vite, c'est ça ? Décidément, vous êtes incorrigé, enfin... Depuis le temps que vous me connaissez. Je ne relève même pas. J'ajoute, pour revenir au fil de mon récit, qu'il se passe de drôles de choses dans la cave noire. Quoi exactement ? Eh bien, il semble qu'elle soit occupée par des farfelus, ou des je-m'en-foutistes de premier ordre, des exemples. Ouais. Eh bien, dans cet endroit extrêmement secret, on fume des joints, on boit, on rigole. Plus tard, Boyce racontera que la machine à déchiqueter les documents était utilisée comme mixeur pour confectionner des daiquiris de cette joyeuse équipe. C'était certainement une utilisation que le constructeur n'avait pas prévue. Je le pense, oui. En outre, dans le lot, il y a un vétéran du Vietnam qui ne cesse de raconter les horreurs qu'il a vues et ses propres exploits, si j'ose dire. Il se vante par exemple d'avoir violé une jeune vietnamienne. Ouais, et ce genre de confidence doit révulser le jeune Christopher. Et le conforter dans ses convictions hostiles à cette guerre du Vietnam qui n'en finit pas. C'est ainsi que, peu à peu, il mijote son idée. Alors, que pense-t-il ? Trahir son pays, tout simplement. Oui, mais attendez, dans quel but, là ? Se venger de ce lobby militaro-industriel qui contribue à poursuivre la guerre pour ses seuls intérêts. Ouais. Et puis... Alors, il y a cette découverte qu'il a faite, là. Un peu de patience, je vous prie, mais c'est vrai qu'elle a joué un grand rôle dans le destin de Christopher Boyce. Alors, il entend se venger, mais comment ? J'imagine qu'il va essayer de divulguer quelques-uns de ses secrets qui lui passent entre les mains. D'accord, c'est bien cela, mais il n'entend pas les divulguer n'importe comment et à n'importe qui. Et d'abord parce que c'est un esprit pratique. Et qu'il a un ami d'enfance qui a toujours besoin de plus en plus d'argent. À cause de sa consommation de drogue. Alors, il va donc vendre ses documents secrets, oui, c'est ça ? Oui, et le client s'impose d'emblée. Ce sera le KGB. D'accord, mais enfin, on ne rencontre pas un agent du KGB comme ça au coin de la rue. Évidemment. Alors, Christopher, avec son petit copain, Dalton, réfléchit. Il faut passer par un représentant soviétique. Quoi, un diplomate ? Oui, mais s'adresser directement à une ambassade ou un consulat soviétique aux États-Unis est un petit peu dangereux, car le FBI surveille certainement ces bâtiments en permanence. C'est pourquoi Dalton Lee décide de tenter le coup à Mexico. Et où les cercles diplomatiques ne doivent pas être moins surveillés qu'aux États-Unis, pourtant. Certes, mais les deux jeunes gens estiment quand même qu'il y a moins de chances de se faire repérer au Mexique. Dalton part donc là-bas. Et après avoir effectué des repérages, réussit à aborder un diplomate. Et d'emblée, il lui dit qu'il désire vendre des documents sur les satellites américains. Et ce type-là, ce diplomate réagit comment ? Avec méfiance, bien entendu. Oui, parce qu'il pourrait s'agir d'une provocation. Naturellement. Mais le jeune Dalton doit tout de même être assez convaincant, car début avril 1975, le diplomate accepte d'organiser un rendez-vous avec un officier du KGB en poste à l'ambassade. Ça se passe comment ? Le soviétique est très sceptique, d'autant que l'aspect physique du jeune homme n'est guère engageant. Mais quand Dalton lui met sous le nez des documents prouvant sans équivoque qu'ils proviennent d'une source secrète, l'officier est ébranlé et comprend aussitôt qu'il est tombé sur une pépite. Et quittant un instant la pièce où les deux hommes se trouvent, il revient avec $250. C'est un petit début, hein ? Enfin, un début encourageant, car les soviétiques n'ont pas la réputation de jeter l'argent par les fenêtres. Pourquoi Christopher Boyce a-t-il trahi ? Monsieur X a parlé de vengeance. Cela n'explique pas tout. Aussi, je me suis référé à un livre récent d'un spécialiste de l'espionnage, Ronald Carlyle. Je le cite. Dans son best-seller « The New Meaning of Treason », publié en 1945, réédité et augmenté en 1965, Rebecca West montre qu'un grand nombre de traîtres sont fascinés par le communisme ou le fascisme. Elle étudie les traîtres américains, britanniques et canadiens entrés au service de l'Allemagne nazie ou de l'Union soviétique. Si certains sont des amateurs, d'autres sont des professionnels. Leurs motivations sont idéologiques, intellectuelles et étroitement liées à leur personnalité singulière. Certains se soumettent à un chantage, mais la plupart sont pris au piège d'une idéologie et ne doivent qu'à une sécurité opérationnelle défaillante le fait de n'avoir pas été pris en train de dérober ou de communiquer des informations secrètes. Dans les années 70, les motivations qui conduisent certains Américains à espionner contre leur pays semblent évoluer une nouvelle fois. On peut parler d'un nouveau sens du mot trahison. La plupart de ces espions considèrent l'espionnage comme une occasion de gagner de l'argent et n'hésitent pas à vendre ce qu'ils savent. Pour citer Rebecca West, c'est l'idéologie de la débrouillardise. L'ouvrage de Carlyle, Histoire de l'espionnage au XXe siècle, est publié par Marabout. Dès l'instant où Dalton Lee a reçu ses premiers $250, la machine est lancée. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Les deux jeunes gens sont enregistrés dans le grand fichier soviétique sous des noms de code. Attendez, est-ce que Lee a parlé de sa source, Christopher Boyce ? Forcément. Mais il s'est refusé à donner sa véritable identité. Et les agents du KGB n'auront de cesse d'identifier la source de Lee. Ouais, pour avoir un accès direct à la taupe. Bien entendu. Mais Dalton Lee résiste. Et d'abord parce que si les soviétiques contactaient Boyce, lui-même perdrait de son utilité. Ah, il n'aurait plus besoin d'intermédiaire. Et Lee ne toucherait plus sa part. Donc, le jeune homme entend rester le coursier de son ami Christopher, ce qui par ailleurs arrange bien ce dernier qui ne veut pas apparaître. Et qui reste un inconnu pour le KGB. Et malgré les pressions qu'exerce sur lui l'officier traitant de Dalton Lee, un certain Vassili au canal. Ce qui m'étonne quand même, là, c'est que le KGB avait sûrement les moyens de percer l'identité de Boyce, ne serait-ce qu'en organisant la filature de Lee. Vous avez raison. Mais à Moscou, on a peut-être considéré que puisque le système fonctionnait de façon satisfaisante, il convenait d'en rester à ce statu quo, au moins provisoirement. Alors, ce système, justement. Oh, il était très classique. Les rendez-vous entre Lee et l'officier du KGB au Cana étaient fixés à l'avance dans des lieux publics. Toujours au Mexique, hein ? Toujours, oui. Mmh. Et grâce à des indices définis à l'avance et déposés dans des caches, Lee savait si le rendez-vous pouvait avoir lieu sans risque. Oui. C'est un peu le système des boîtes à lettres mortes. Oui, et à chaque échange, le jeune homme recevait une liasse de dollars. De fortes sommes ? Bon, on estime que le KGB a rétribué les deux traites à hauteur de $80,000. Ouais, de dollars des années 70, hein. Ça commençait à compter. Et le partage, hein ? Oh, bah, c'est naturellement Boyce qui prenait le plus de risques. Il aurait été en droit de réclamer la plus grosse part, mais c'est le contraire qui s'est produit. Et ça a été la première cause de brouille entre les deux amis. Assez vite, Boyce a en effet soupçonné Lee de ne pas partager équitablement l'argent de la trahison. Mais ensuite, d'autres causes sont venues envenimer cette première querelle. Alors, attendez, avant d'aller plus loin, là, expliquez-moi comment procédait Boyce pour se procurer ces documents qui intéressaient tant les soviétiques. D'une façon assez simple. D'abord, lui, le plus jeune employé de la cave noire, il n'a alors que 21 ans, je vous le rappelle, était souvent envoyé par ses collègues acheter de l'alcool. Ah oui, courtier. Ouais. Il suffisait alors de glisser dans le cartable qui ne le quittait jamais les documents qu'il voulait transmettre. Ensuite, une fois à l'extérieur des locaux de la firme, il s'isolait et les photographiait. Puis après avoir effectué ses achats d'alcool, il revenait tranquillement à la cave noire. Et jamais les gardiens habitués à le voir aller et venir n'ont demandé à examiner son cartable. Et les documents eux-mêmes ? Dans l'aimable bazar qui régnait dans ce bureau, il lui était facile de s'emparer d'un document et de le glisser dans son sac. Il a aussi utilisé un autre système. Passionné de nature, il avait l'habitude d'apporter des plantes vertes sur les lieux de son travail. Et il en changeait souvent. Les documents qu'il transportait étaient cachés sous les racines. Il suffisait de dépoter la plante. Hein. Et là encore, comme tout le monde connaissait ses lubies, on ne s'étonnait pas. Alors, je vous ai annoncé que la tension montait entre les deux complices. Il y avait d'abord le comportement de Dalton Lee. Celui-ci, grâce à l'argent des soviétiques, consommait de plus en plus de drogue et son caractère s'en ressentait. Il devenait aussi très imprudent dans ses rapports avec son officier traitant. C'est-à-dire ? Il en venait à négliger les procédures de contact. Ah ouais, et le KGB s'inquiétait. Forcément. Un espion alcoolique ou drogué devient de moins en moins contrôlable. Et Lee, qui voyait grand, a même osé demander à son officier traitant de l'aider à introduire de la cocaïne péruvienne aux États-Unis. Une sorte de chantage, au fond. Si vous voulez continuer à recevoir des documents, il faut en passer par là. Ah, c'est sans doute le langage qu'il a tenu. Réponse du KGB ? Je l'ignore. Mais ça m'étonnerait que cet Okana ait marché dans une combine aussi hasardeuse. Et Boyce lui était au courant ? Je ne crois pas, non. Mais Boyce aussi commençait à ne plus tourner très rond. Un jour, par exemple, il a glissé dans l'enveloppe destinée au KGB des photos de femmes nues. Ça n'a pas du tout amusé les soviétiques. Ouais, mais il manquait sans doute de sens de l'humour. Non, plus sérieusement, là, que se passait-il ? Christopher Boyce, qui avait sans doute considéré au début qu'en trahissant, il jouait un sale tour à son pays, se rendait peut-être enfin compte qu'il risquait gros. Et qu'il tomberait un jour. Certainement. Par conséquent, il était prêt à tout lâcher. Mais son ami Lee ne l'entendait pas de la même oreille. Ah oui, parce que si Boyce s'arrêtait, c'était sa source de revenus qui disparaissait. C'est évident. Il s'en est suivi une nouvelle et violente dispute entre les deux amis. Et Dalton Lee a menacé d'aller tout raconter au père de Christopher. Ouais, ancien du FBI et toujours proche de ses anciens collègues. Boyce était donc coincé. Et condamné à continuer à trahir. Alors furieux contre son ami d'enfance, il s'est résolu à prendre contact directement avec les soviétiques. Et sans passer par l'intermédiaire de Dalton. Donc. Au début de l'automne 76. Il est donc allé à Mexico où il a rencontré Vassili Okana. Il semble que dès ce moment, le jeune homme ait décidé de faire de l'espionnage son vrai métier. Et c'est ce qu'il a dit à l'officier traitant de Dalton. Comment l'homme du KGB a-t-il réagi ? Pas mal du tout, car il lui a fait une proposition étonnante. Si Christopher veut réellement devenir un agent double efficace, il doit d'abord reprendre ses études et aller à l'université. Étonnez-vous bien, le KGB est même prêt à l'aider financièrement. Donc les soviétiques étaient décidés, prêts même, à miser sur lui ? Et Christopher Boyce est ravi d'être pris au sérieux. Il se voit déjà intégrer un service de renseignement américain et devenir un illustre agent double à l'image des cinq de Cambridge. Pardonnez-moi, mais je trouve tout cela un peu délirant. Mais moi aussi, pour ne rien vous cacher. Je pense que Vassili Okana lui a surtout fait cette proposition pour le calmer et dissiper ses inquiétudes. Car l'intérêt des soviétiques, c'est d'obtenir que Boyce continue à travailler chez TWR. Et qu'il continue à leur fournir d'excellentes informations sur les satellites espions. Et d'ailleurs, le garçon ne tarde pas à vouloir leur donner satisfaction. Il a l'intention de leur faire passer les premières photos des dessins d'un nouveau projet états-unien, celui d'un satellite révolutionnaire nommé Pyramide, dont la réalisation vient d'être confiée à son entreprise. Alors, malgré sa fâcherie avec Dalton, il lui confie les documents. À charge pour ce dernier de les transmettre à son officier traitant du KGB à Mexico. Comme d'habitude. Mais alors que se passe-t-il ? Ça, je ne sais pas exactement. Toujours est-il qu'il y a une embrouille. Dalton Lee s'impatiente sans doute, parce que le rendez-vous avec Okana lui semble trop lointain et qu'il est en manque. Il a besoin d'argent pour acheter de la drogue. Ça me semble probable. Alors, sous le coup de l'énervement, il se rend directement à l'ambassade soviétique. Refoulé à l'entrée par les gardes, il confectionne un petit paquet sur lequel il écrit KGB, paquet qu'il lance par-dessus les hauts murs. Mais deux policiers mexicains assistent à la scène, croient avoir affaire à un terroriste et l'arrêtent. Et c'est ainsi que tout va se terminer pour Dalton et Christopher. Dans l'ouvrage de Robert Carlyle que j'ai déjà cité, « L'histoire de l'espionnage au XXe siècle », l'auteur ajoute quelques détails sur la mésaventure de Dalton Lee à Mexico. Le 6 janvier 1977, Lee essaie de contacter le KGB à Mexico. Impatient, car il a besoin d'argent pour acheter de la drogue, il s'énerve quand ses signaux restent sans réponse. Bien qu'averti de se tenir éloigné de l'ambassade soviétique, il s'y rend directement enhardi après avoir fumé un joint. Les gardes lui en refusent l'accès. Il écrit KGB dans un dictionnaire anglo-espagnol qu'il a sur lui et le lance par-dessus le mur de l'ambassade. Un des aspects amusants de la trahison de Lee est de montrer que quelqu'un d'aussi déjanté et imprudent peut réussir à servir de messager espion pendant près de 2 ans. Après qu'il a lancé le dictionnaire, la police mexicaine, qui protège l'ambassade des manifestants, le remarque et l'arrête immédiatement. Au départ, Elle pense qu'il a peut-être lancé une bombe. Quand il essaie de se débarrasser d'un paquet de marijuana, les choses se compliquent. Il transporte aussi une enveloppe pleine de photocopies de documents ultra-secrets de TRW qui décrivent Pyramide, le projet d'un nouveau satellite. Après plusieurs jours d'interrogatoire menés par la police mexicaine, il prétend travailler pour la CIA pour fournir de faux renseignements au KGB. Et, d'après l'auteur, c'est ainsi que les policiers mexicains décident de le transférer au FBI. À son tour, Boyce ne tarde pas à être arrêté. Dénoncé par son copain ? C'est possible. Mais les policiers n'en ont même pas besoin. En possession des documents, il peut facilement remonter la piste. Et c'est le procès. Aux États-Unis, une accusation d'espionnage, ça peut valoir la peine de mort. Mais Boyce bénéficie d'une certaine clémence et n'est condamné qu'à une très longue incarcération. 40 ans. Mais quand même, hein ? Il lit, alors lui ? Ah ben lui, il est plus lourdement condamné. Perpétuité. Et tous deux sont envoyés dans une prison fédérale. Comment Boyce est-il défendu ? Il a prétendu n'avoir fourni que des documents classifiés. Ah, pas secret, donc. Et ensuite, après une première livraison, il a été victime d'un chantage exercé par son ami d'enfance. Ses avocats ont aussi mis en cause la politique américaine au Vietnam, et même au Chili, où la CIA a donné un coup de main à Pinochet. Autant de raisons pour Boyce de se révolter en transmettant des documents à l'ennemi. Des documents qui n'avaient par ailleurs pas un grand intérêt pour les Soviétiques. Et pourquoi aurait-il payé, alors ? Ben, vous avez raison. Tout cela est assez spécieux, mais il y a cette autre raison que j'ai évoquée. Et donc vous allez peut-être enfin me parler ? Sa botte secrète, et qui a été à peine évoquée lors du procès. Et pourquoi, alors ? Ben, parce que les services de renseignement états-uniens ne tenaient pas à ce que ces informations soient rendues publiques. Et si Boyce a échappé à une condamnation à mort et a été moins sévèrement condamné que son copain, il le doit sans doute à son quasi-silence. Tenez, je suis même à peu près sûr qu'il y a eu des transactions avant le procès. Alors, encore un petit peu de patience. Christopher Boyce est donc incarcéré. Mais l'histoire est loin d'être finie. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça ? 2 ans après ce procès, le jeune homme s'évade. Comment ? Avec une simple échelle qu'il a bricolée dans l'atelier de la prison. Et ça vous semble bizarre ? Ben, les prisons américaines ne sont pas réputées pour être des passoires. Surtout cet établissement de sécurité situé en Californie, qui était équipé d'une triple clôture électrique. Ah. Alors, il aurait bénéficié d'une aide ? Ben, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Mais qui, hein ? On a parlé du KGB, mais je n'y crois absolument pas. Pour les soviétiques, Boyce n'avait plus aucun intérêt. Alors, je n'exclus pas qu'un service états-unien lui donnait un petit coup de main. Et alors, cette transaction que vous avez évoquée, là ? Pourquoi pas ? Car tout ça ne semble pas avoir été improvisé. La preuve, c'est que Boyce sait exactement où se diriger après son évasion. Il dispose de l'adresse d'une femme qui réside dans le nord-ouest des États-Unis. Qui ? Une marginale au grand cœur réputée pour donner asile à tous les fugitifs ou SDF qui frappent à sa porte. Une femme qui doit être plus ou moins surveillée par la police. C'est certain. Mais sa maison est isolée et située au milieu de grands espaces peu habités. Boyce, amoureux de la nature, peut donc satisfaire sa passion pour la chasse et la pêche au saumon. Il va même lui arriver de passer de longues périodes dans une cabane située en pleine nature. Et de quoi vit-il aussi ? Ben là encore, c'est très étonnant. Quand il a besoin d'argent, Christopher braque des banques. Au total, il va commettre 16 hold-up. Sans se faire prendre. Et alors que sa photo figure en bonne place dans tous les postes de police des États-Unis. À cause de son évasion. Mieux. Il prend des cours de pilotage. Et dans quelle intention, là ? Mais il aurait voulu s'emparer d'un avion et voler vers l'URSS via l'Alaska. Mais vous utilisez le conditionnel, hein ? Oui, parce que tout ça n'est pas très clair. Et puis, il n'est pas évident que les Soviétiques, comme il espérait, semble-t-il, l'aient accueilli à bras ouverts. En tout cas, 19 mois après son évasion, la cavale de Boyce prend fin. Hier quitte ? Oui. Pourquoi ? Plusieurs explications ont été avancées. Il aurait pu être identifié à cause de ses braquages de banque. Mais on a prétendu aussi que le shérif local se serait intéressé à son automobile, une vieille voiture. Mmh. Et de fil en aiguille, ce brave homme aurait fait le rapprochement avec le fuyard. Mais peu importe. Selon vous, alors, il a donc été arrêté un peu par hasard. Et je suis certain qu'aux États-Unis, certaines personnes auraient préféré qu'il réussisse à fuir aux commandes de son avion et qu'il disparaisse à jamais. Ah, alors, nous y voilà, n'est-ce pas ? Christopher Boyce était certainement un jeune homme exalté et pas trop équilibré. Mais il était perspicace. Et il savait lire, même si sa culture scientifique était limitée. C'est ainsi qu'il a pris conscience de la dimension exacte du travail que réalisait TRW, c'est-à-dire la mise en place progressive d'un fantastique réseau d'espionnage par satellite. C'est d'autant plus remarquable que l'existence de cette toile d'araignée ne sera dévoilée que beaucoup, beaucoup plus tard, à la fin des années 80, si ma mémoire est bonne. Vous voulez parler du réseau Echelon, là ? Oui, oui, oui. Et encore, son existence ne sera-t-elle officiellement reconnue que dans les années 90. Alors, pour bien comprendre, il faut effectuer un retour en arrière. En 1943, exactement. Oui. Cette année-là, deux des alliés, les États-Unis et la Grande-Bretagne, signent un traité au terme duquel il est décidé de partager tous les renseignements issus de l'écoute des signaux électriques. Il en va de même également pour les algorithmes, des codes et des clés de cryptage. Ce traité sera ensuite étoffé par un accord secret signé en 1947 qui associe aussi trois États du Commonwealth, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les stations d'écoute sont donc reliées entre elles. Et les informations sont en principe centralisées et redistribuées aux différents gouvernements associés. À chaque pays est bien sûr attribué une zone géographique d'écoute bien déterminée. Et naturellement, lorsque les premiers satellites espions sont lancés, la performance du réseau se trouve considérablement accrue. Mais vous avez dit que ces renseignements étaient en principe redistribués aux différents pays. Ce « en principe » est restrictif. Et c'est là où le bas blesse. Expliquez, hein. En pleine guerre froide, ces écoutes sont essentiellement destinées à espionner le camp de l'Est. Mais au fur et à mesure du développement technologique du réseau, que l'on va appeler échelon, d'autres considérations vont apparaître. Les écoutes, si elles sont effectuées tout azimut, peuvent aussi fournir de précieuses informations économiques. Quand, par exemple, il faut emporter un marché, ces renseignements sont inappréciables. Et les États-Unis n'hésiteront pas à s'en servir lorsque leurs entreprises seront en concurrence avec des firmes européennes, à l'exclusion, bien sûr, des sociétés britanniques. C'est quand même très gênant, parce que jusqu'à preuve du contraire, la Grande-Bretagne fait partie de la communauté européenne. Eh bien, parfois, elle préférera jouer américain plutôt qu'européen. Mais il n'y a pas que les informations économiques qui peuvent être collectées par échelon. Il y a aussi les renseignements de caractère strictement politique. Et c'est là où intervient Boyce. Bah, de quelle façon, alors ? L'Australie, vous ai-je dit, fait partie intégrante de ce pacte d'espionnage électronique. L'Australie, qui est aussi l'un des alliés les plus fidèles de Washington et qui a maintes fois envoyé ses soldats combattre aux côtés des forces américaines, en Corée, au Vietnam. Et aujourd'hui en Irak. Hein. L'Australie aussi, qui en raison de sa position géographique s'est résolument mise à l'abri sous le parapluie militaire états-unien. Or, dans le secret de la cave noire, Boyce découvre que les Américains profitent du réseau pour espionner aussi les Australiens à leur insu. Et cela à partir d'une station d'écoute Pine Gap qu'ils ont eux-mêmes installée en Australie, station dont ils ont gardé le contrôle. Mais attendez là, mais pourquoi les États-Unis espionneraient-ils ces si bons alliés ? Parce que parfois, ces bons alliés, comme vous dites, peuvent mener des politiques qui contrarient la Maison-Blanche. Et c'est le cas dans les années 70, lorsqu'un travailliste, Gough Whitlam, remporte les élections et devient donc Premier ministre après un quart de siècle de gouvernement conservateur. Alors que fait-il pour irriter Washington ? D'abord, à peine élu, il manifeste son intention de désengager les troupes australiennes présentes au Vietnam. Puis il annonce sa volonté de reconnaître la République de Chine et aussi la République démocratique du Vietnam. Hanoï. C'est ça. Ouais. Ajoutez que Whitlam veut également conduire dans son pays des réformes progressistes et vous constatez aussitôt que tout cela ne peut que déplaire à Richard Nixon et à son sœur Kissinger. La Maison-Blanche va donc tout faire pour paralyser Whitlam et même le renvoyer dans ses foyers. Dans cette mesure, les informations recueillies grâce à la station de Pine Gap sont particulièrement intéressantes. Et nul doute qu'elles sont transmises aux adversaires politiques du Premier ministre australien. Résultat, non ? On assiste à une vraie crise politique et institutionnelle en Australie, attisée par les Américains. Et fait unique dans l'histoire du pays, en 1975, le gouverneur représentant de la reine d'Angleterre procède à une lecture controversée de la Constitution et démet purement et simplement Whitlam, qui sera bientôt remplacé par un conservateur. Oui, mais Boyce dans tout ça, là. Ce jeune homme idéaliste est profondément choqué par ce qu'il vient de découvrir. Et avant son procès, il menace certainement de révéler ses deux secrets, l'existence de ce réseau d'espionnage électronique anglo-saxon et l'ingérence des États-Unis dans la politique d'un État ami. Ce qui lui vaudra, selon vous, d'échapper à la peine de mort pour espionnage ? Un dernier mot. Les services secrets américains n'ont jamais expliqué réellement quels dégâts avait provoqué la trahison de Boyce. Et tenez, j'en viens à penser que cette histoire assez abracadabrantesque de Christopher Boyce et Dalton Lee cachait autre chose. C'est-à-dire le KGB avait recruté une autre taupe dans la firme TRW, mais un type d'un calibre supérieur, un scientifique. Alors que Boyce, lui, n'était qu'un simple employé. Et qui n'entendait pas grand-chose aux informations qu'il livrait, et qui a servi de leurre pour protéger la véritable taupe qui n'a jamais été prise. Oui, mais ce n'est qu'une hypothèse. Quand je m'avance, reconnaissez que je ne suis pas trop loin de la vérité.